Chapitre 35e. Au moment où Mademoiselle de la Morlaix abordait sur la rive, un homme à cheval passait sur une chaussée voisine. C'était Gilbert. Son visage exprimait la joie et le triomphe. Il aperçut de loin Henri et Léopoldine et les reconnut, bien que la distance ne lui permît pas de voir dans quel état l'un d'eux se trouvait. « Ah, pauvre Henri !» dit-il, et ses traits devinrent sérieux. Nous l'avons laissé, on se le rappelle, sur la route qui conduisait chez la mère Angélique de la Pitié. Il la trouva marchant au bord de l'étang, un livre d'heures à la main. Sa robe noire flottait sur ses pieds et arrachait un petit bruit aux feuilles mortes qu'elle entraînait dans ses plis. Gilbert l'aborda résolument. « Madame, je m'appelle, comme vous le savez, Gilbert de Lanta. J'aspire à la main de Mademoiselle de la Morlaix et je viens vous demander votre consentement. » La mère Angélique le regarda quelques instants sans répondre. La flamme de ses yeux s'était adoucie. « Il a 25 ans et il aime. Même âge, même cœur, » murmura-t-elle à demi-voix. Sa poitrine se souleva et d'une voix plus haute. « Je ne suis pas la mère de Mademoiselle de la Morlaix. C'est à sa mère qu'il faut d'abord vous adresser, » reprit-elle. « J'ai cru comprendre, madame, que vous y avez connu mon père. Et il m'a semblé que cela créait un lien entre nous. Un lien de déférence de moi à vous, un lien de protection de vous à moi, qui suis seul de mon nom, sans famille et sans alliance. Un sentiment de délicatesse et de fierté dont je vous remercie ne vous permet pas de me rappeler que je vous ai promis mon appui. Si quelque jour vous veniez à le réclamer, je vous ferai voir que cette promesse n'est pas vaine. » La mère Angélique tomba dans une rêverie profonde. Elle marchait lentement sur la rive silencieuse de l'étang, les yeux vers la terre, les mains pendantes le long du corps. On voyait clairement, à l'expression de son visage, que son âme retournait en arrière. Gilbert n'osait pas l'interrompre. « Oui, reprit-elle enfin, oui, j'ai connu M. de Lanta, votre père. Je l'ai connu du temps que j'appartenais au monde, et j'ai eu sur sa vie une influence dont vous ne pouvez pas mesurer toute la portée. Que c'est loin tout ça. Mais je me dois au fils en souvenir du père. Parlez donc. « Parlez sans crainte, je suis à vous. » Ému par ce langage où un sens mystérieux se cachait, Gilbert mit son cœur à nu. L'expression de l'amour, quand il est sincère, a une flamme qui réchauffe au fond des cœurs toutes les cendres déposées par les assauts de la vie. La mère Angélique ne perdait pas une seule des paroles du suppliant qu'elle voyait devant elle. La tête inclinée, le menton pris dans la paume de sa main, assise sur le tronc renversé d'un arbre, l'esprit pensif, elle semblait écouter des voix qui parlaient en elle et lui conseillaient la pitié. C'est ainsi qu'il s'exprimait, dit-elle doucement et le regard perdu dans l'herbe. Il avait cet accent, il avait ce feu, il avait cette émotion plaintive. Gilbert, à qui le sens de cette phrase échappait, se tut. La mère Angélique resta quelques secondes silencieuse, enfin relevant la tête. Mademoiselle de la Morlaix est ma filleule. J'ai donc charge d'âme, reprit-elle. Si je consens à parler pour vous, votre vie lui sera consacrée, tout entière. Eh bien, je verrai, madame de la Morlaix. Hâtez-vous alors, madame, poursuivit Gilbert avec impétuosité, j'ai un rival, et on doit tout redouter quand on a devant soi un carlepon. La mère Angélique se dressa toute droite. Un carlepon? Vous avez dit un carlepon? Son visage avait la pâleur du marbre, ses yeux étincelaient, le frémissement de la colère bouleversait tous ses traits. « Mais parlez donc, » reprit-elle, voyant que Gilbert se taisait. « Est-ce bien Carlepon ou me suis-je trompé? Dites !»« Madame, le duc de Carlepon et son fils ont à Maingris. »« Le duc de Carlepon, lui, est chez madame de la Morlaix ?» Elle leva les mains au ciel avec une effrayante expression de surprise et de haine, puis rejetant sa tête en arrière. « Il a donc un fils, ce terrible duc, et c'est lui sans doute que vous redoutez ?» Eh bien, je vous jure que moi vivante, la fille de madame de la Morlaix ne lui appartiendra jamais. Demain, je serai à Maingris. La mère Angélique salua Gilbert de la main, et le jeune homme, immobile sur le bord de l'étang, la vit regagner à grandes enjambées la maison noire, où elle ensevelissait sa vie. Un instant, il demeura sous le coup de cette colère mystérieuse qui avait fait explosion. La mère Angélique lui était apparue comme la divinité des vengeances fatales, puis, s'arrachant à cette méditation sans issue, « Vil gagné !» s'écria-t-il en sautant à cheval, et il reprit au galop le chemin de Maingris. Peu d'heures après, madame de la Morlaix recevait une lettre qui arrivait de la maison noire. Elle était de la mère angélique de la pitié. « Demain, j'irai vous voir, ma fille. Je viens d'apprendre que M. le duc de Carlepont et son fils sont chez vous. Deux hommes de ce nom sous le toit où vous dormez, cela me passe. Il faut qu'une personne en qui j'ai toute confiance me l'assure pour que je le croie. Ma main tremble en écrivant ces lignes et mon cœur bat à m'étouffer. Quoi, de pareils noms ne réveillent plus en vous les souvenirs qui m'écrasent? Demain, j'irai vous demander un entretien. Je ne vous accuse point, ma fille, mais pour expliquer leur présence à Maingris, il doit y avoir quelque chose que vous ne m'ayez pas dit. Je ne suis pas assez calme et maîtresse de moi en ce moment pour courir chez vous. Mais je ne veux pas attendre pour m'acquitter d'une mission dont je me suis chargé et au succès de laquelle j'attache la plus grande importance. J'ai eu l'occasion de vous parler récemment de M. Gilbert de Lanta que j'ai rencontré à Maingris. Ce jeune homme s'est dressé devant moi comme le souvenir d'un passé plein d'ombre et de tristesse. Vous savez que j'ai beaucoup connu son père, le comte Raoul de Lanta. Mais une chose que vous ignorez, c'est que j'ai contribué puissamment à son mariage avec une jeune personne des Andelys, qui était un peu ma parente. Je croyais assurer son bonheur, je n'ai fait que le précipiter vers la ruine et le déshonneur. À l'époque où le malheur entra dans sa maison, une catastrophe m'avait depuis quelque temps chassé du monde. Vous savez laquelle, ma fille? Je n'étais plus attaché que par les liens d'un éternel désespoir. Le chagrin comme le plaisir à son égoïsme. Je ne me souviens de M. de Lanta que lorsque j'appris sa mort. Son fils avait disparu. Tout à coup, et après une longue suite d'années passées dans les larmes, il se montre et réclame mon appui. Il me semble que je suis dans une mesure responsable de son avenir. Je lui ai donné une mauvaise mère. Je veux lui donner une honnête et bonne femme. Par là, je réparerai dans l'enfant les torts que j'ai eus envers le père. Cette femme, c'est votre fille, Louise, c'est Léopoldine. Il l'aime, et si la vieillesse et une triste expérience m'ont appris à lire dans les cœurs, le sien est droit, sincère, courageux. Il se dévouera tout entier au bonheur de celle qu'il aura choisie pour compagne. Voulez-vous me permettre de vous demander pour lui la main de Mademoiselle de la Morlaix, ma filleule? Je n'agis pas à la légère, croyez-le. Il y a des circonstances qui permettent en un seul jour de lire jusqu'au fond de l'âme. Si ma voix a quelque empire sur vos résolutions, vous confierez l'enfant qui nous est cher à M. Gilbert de Lanta. Je ne suppose pas que d'autres projets germaient dans votre pensée. Pourquoi vous faire cette injure? À l'idée de certaines alliances, tout votre sang se révolterait comme le mien. J'ai connu la fidélité de votre chagrin et la constance de votre deuil. Demain, vous me prouverez qu'ils sont restés tels que je les ai vus, en écoutant la prière que vous fait celle qui si longtemps a pleuré avec vous. » La lecture de cette lettre jeta Madame de la Morlaix dans de longues réflexions, mais elle n'hésita pas une minute, et prenant une plume, elle écrivit ces quelques mots à la mère angélique de la pitié. « Votre désir est un ordre pour moi. Léopoldine s'appellera Madame Gilbert de Lanta. Venez demain, et toutes les explications vous seront données par votre fille, Louise de la Morlaix. » Pendant la soirée qui suivit cet échange de lettres, une réaction se fit dans l'esprit de celui qui en était l'objet. On sait qu'à toutes les violences de la jeunesse, Gilbert joignait tous les généreux instincts qui en corrigent l'emportement. Il sortit du château et marcha longtemps à l'aventure sous les futaies, dont les dernières feuilles pleuvaient autour de lui. « Ah, passion maudite !» se disait-il. « Voilà que mon cœur pervers se réjouit des coups qui vont frapper mon frère. N'était-il pas hier encore ce que j'aimais le plus au monde? Et maintenant je suis l'ouvrier de son désespoir. Et qu'a-t-il fallu pour cela? Un hasard, une plaine éclairée par les rayons de la lune, et que dans cette plaine, une femme passa tout à coup. Ces deux Carlepont, le père et le fils, ils m'ont tout donné, un toit, le pain de chaque jour, la tendresse et les bons soins qui font que l'âme s'éveille. Et après tous ces dévouements, qui m'ont fait ce que je suis, que vais-je leur rendre? De quel air soutiendrai-je leur regard? Ne suis-je pas à leur présent tout pétri de la plus noire ingratitude? Et si l'un me disait raca, que répondrais-je? Ah, misérable! Rien de bon ne reste en moi. Je n'y sens que l'indomptable désir de posséder Léopoldine, et un âpre besoin de la ravir à qui me la dispute, d'où qu'il vienne et quel que soit son nom. J'ai honte de mes propres pensées, et un feu est en moi qui me consume et me pousse aux plus mauvaises actions. Dieu serait juste s'il me faisait mourir sur place, juste et miséricordieux peut-être. Je ne courrais pas au-devant d'éternels remords. Mais quoi? Il me faudrait donc renoncer à Léopoldine, y renoncer et la donner à un autre. Est-ce possible ? Sa promenade le ramena sur le bord des douves où se miraient les tourelles du château. Une lumière brilla à l'une des fenêtres qui lui faisait face. Une ombre s'y montra. Il la reconnut, et un flot de sang précipita les battements de son cœur. « Ah, jeunesse, amitié, reconnaissance, honneur, je mets tout à ses pieds » s'écria-t-il. Cependant, M. de Carlepont n'était pas d'un caractère à rester longtemps dans la situation difficile que son fils lui avait faite en l'appelant Amen Gris. Le hasard pouvait sans doute amener une explication, et avec une explication, la lumière. Il lui parut plus loyal, cependant, de la demander. Une hospitalité qu'on vous marchande, c'est presque une aumône, et il n'en voulait ni pour lui ni pour Henri. De plus, il avait été informé dans la journée de ce qui s'était passé entre Léopoldine et son fils. « À présent, lui dit-il, la délicatesse me fait un devoir de parler. Un plus long silence justifierait presque les préventions qu'on a contre nous. J'allais vous en prier, » lui répondit Henri. Dès le lendemain, le duc se présenta chez Madame de la Morlaix. Un domestique ouvrit la porte et l'annonça. Une femme tout en noir, avec des mains couleur d'ivoire, était auprès de Madame de la Morlaix, qui l'écoutait, la tête basse, dans l'attitude de la soumission et du désespoir. Leurs yeux étaient pleins de larmes. Au nom du duc, la femme en noir se leva tout à coup, pareil à un spectre, et se dressant devant lui, lentement. « Monsieur de Carlepont, dit-elle, je m'appelle Madame de Cipierre, et vous avez tué mon fils. Moi ? S'écria le duc. Moi, j'ai tué votre fils ? Mais tout à coup, passant la main sur son front et reculant d'un pas, « Ah, malheureux ! » fit-il. Le souvenir terrible de la scène qui s'était passée dans les plaines sauvages du Staouili venait brusquement de se réveiller. Cependant, Madame de Cipierre marchait devant lui. Arrivée au seuil de la porte, elle s'arrêta et se tournant vers Madame de la Morlaix. « Vous m'avez entendu, Louise ? » reprit-elle. « Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Si M. de Carlepont passe une fois encore le seuil de cette maison, je n'y rentrerai plus. » Le duc était atterré. Il regardait du côté de la porte, derrière laquelle la mère angélique de la pitié venait de disparaître, et croyait voir encore cette grande femme noire qui avait le visage d'une morte. En une seconde, il revit la plaine inculte de Staouéli, le corps du malheureux Paul couché à ses pieds, couvert de sang, M. de Bléré, le domestique tout blanc de poussière, les Arabes, les chiens, les chevaux. Ce fut comme une vision. Ainsi, sa vie d'autrefois le saisissait après 30 ans, et dans quelles circonstances, sous quel aspect ? La pensée de son fils lui fit porter les yeux sur Madame de la Morlaix. Elle était à la même place, les coudes sur les genoux, le menton pris dans ses mains, muette et tremblante encore. Il fit un pas. « Elle, je le comprends, » dit-il d'une voix suppliante. « Madame de Cipierre voit en moi le meurtrier de son fils. Mais vous, madame, vous ne l'avez donc pas deviné ? Moi, je l'aimais. Ah ! C'est le dernier coup !» s'écria le duc. Il venait de se rappeler les quelques mots tracés au bas de la lettre par laquelle Madame de Cipierre donnait son consentement au mariage de son fils. La main qu'il avait devant lui les avait écrits, et le cœur qui le repoussait en avait conservé la mémoire. « Comprenez-vous à présent ?» poursuivit Madame de la Morlaix. « Comprenez-vous pourquoi cette hospitalité reçue autrefois à la Cormelle me pesait ? Pourquoi votre nom prononcé tout à coup devant moi m'arrachait des frissons ? Pourquoi, si jeune, si charmant, si digne d'estime et d'affection que soit votre fils, une barrière est entre nous que rien ne renversera plus ? Il n'a pas fallu moins que la prière d'un pauvre jeune homme, qui vous a dû la vie une fois, et qui plus tard est mort entre vos bras, pour que ma porte vous fût ouverte. Et encore, je m'en cachais comme d'une action mauvaise. À présent, le masque tombe, vous savez tout. Il y a du sang sur votre main, il y a dans mon cœur des larmes, dont le temps ni la maternité n'ont pu tarir la source. Vous seul les avez fait couler, et votre présence en augmente l'amertume. Nous ne devons plus nous revoir, et ce jour est le dernier qui nous trouvera réunis. » M. de Carlepont allait parler. Madame de la Morlaix l'interrompit. « Je sais ce que vous allez me dire, » reprit-elle. « Un fils, n'est-ce pas, n'est point responsable des fautes de son père. Mais il y a le nom, monsieur, et le nom n'est pas une chose qui passe. » D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel, maintenant que je me suis expliqué, il est inutile d'insister. Madame de Cipierre s'est prononcée, la main de ma fille est promise, bientôt elle sera fiancée à Monsieur de Lanta. Gilbert ? Oui, monsieur le duc. Il porte honorablement son nom, et sa vie est bonne. Auprès de lui, Léopoldine sera heureuse. » Madame de la Morlaix se leva. « Monsieur le duc, je ne vous retiens plus. » « Ah, pensa le duc, un jour j'étais bon et généreux, et voilà ma récompense. » Il salua Madame de la Morlaix et sortit la tête haute. « Quel homme ! » s'écria-t-elle en le suivant des yeux. « Pas un élan, pas un cri, pas une larme. » Et dans son attitude le reflet d'un orgueil indomptable. « Et j'ai pu le recevoir, lui parler, l'accueillir sous mon toit ?» Et courant vers une des fenêtres, elle l'ouvrit, comme si elle eût été indignée de respirer l'air qui avait enveloppé le duc. « Ah, du moins c'est fini, » reprit-elle.